Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. C'était déjà évoqué dans Triste Tropique, le chef-d'œuvre de Claude Lévi-Strauss, la diversité humaine serait en voie de disparition. Un chant des Azurini, des Amérindiens d'Amazonie. Bonjour Hervé Théry. Bonjour. Vous êtes géographe, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à l'université de San Paolo. Je vous ai convié pour ce Super Fail pour que vous nous expliquiez ce qu'est cette diversité humaine qui est aujourd'hui, paraît-il, menacée. On voit qu'il y a encore des tribus isolées. On en a eu l'exemple au travers du cas de ce missionnaire qui a été tué par une tribu au large de l'Inde, située dans une île. On connaissait cette tribu, Hervé Théry? Oui, elle est bien connue, elle est même protégée par les Indiens qui envoient des patrouilles de la marine autour de l'île pour éviter que des gens s'approchent. Ils ont manifesté très clairement qu'ils ne voulaient pas qu'on s'approche. Et donc c'est une politique de l'Inde de préserver leur tranquillité. Quelle est cette tribu? Alors c'est dans les îles Andaman, j'avoue, je ne sais plus leur nom exact, mais c'est celle qui a le plus nettement marqué qu'elle voulait garder son mode de vie traditionnel et qu'on les embête pas, et que ceux qui s'approcheraient trop seraient tués, ce qui s'est produit. Pourquoi? Parce que ça n'était pas la première fois que ce missionnaire cherchait à aller à la rencontre de cette tribu? Alors lui non, mais d'autres avaient tenté avant lui, et lui a vraiment beaucoup insisté. Il a débarqué plusieurs fois, on l'a fait rembarquer de force, et manifestement il cherchait le martyr, c'est ce qu'il a fini par obtenir. Pourquoi ces tribus ne veulent-elles pas avoir de contact avec l'extérieur? Est-ce que vous qui êtes géographe, vous avez une explication? Alors sur ce cas précis, non, parce que moi je travaille plutôt sur le Brésil, en particulier l'Amazonie, mais si je transfère ce que j'en sais, c'est qu'ils ont manifestement, ils préfèrent leur mode de vie, ils tiennent le garder tel quel, bien qu'il puisse être difficile à nos yeux. Ils meurent assez jeunes, ils n'ont pas d'assistance médicale, enfin toutes sortes de choses qui pour nous seraient inacceptables. Mais le choix qu'ils ont fait, c'est de garder ce mode de vie et de ne pas prendre le nôtre. Comment parleriez-vous justement de ce mode de vie? Parce qu'on a beaucoup de préjugés, nous qui ne sommes pas anthropologues, géographes, qui ne connaissons pas ces peuples originels. On parle de peuples premiers, par exemple, au Canada. Comment les qualifierait-on et comment décrire ce mode de vie? C'est assez simple, ce sont des chasseurs-collecteurs comme étaient nos ancêtres pendant des millions d'années, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'agriculture ou peu, ils ont un peu de jardinage, et ils tirent leur subsistance de ce qu'ils peuvent pêcher, chasser et cueillir dans la forêt. Ils ont des abris de branchage, ils ont une sorte de vie, la plupart du temps, nomade, et donc ils ont décidé que c'était comme ça. Et des anthropologues qui ont regardé ça d'assez près se rendent compte qu'effectivement, ils arrivent à vivre correctement tant qu'ils sont en bonne santé en travaillant 2 ou 3 heures par jour. Donc c'est une vie qui a des aspects assez plaisants par ailleurs. Donc c'est un bon calcul finalement d'être un chasseur-cueilleur. Tant qu'il y a assez de gibier et de choses à cueillir dans la forêt, oui, c'est plutôt bien. C'est une histoire de l'humanité qui est sortie récemment, Sapiens, par Harari, qui explique qu'en fait, l'erreur fondamentale de l'humanité, ça a été de se mettre à l'agriculture, parce que du coup, on s'est mis à travailler beaucoup plus, à être proches les uns des autres, donc à échanger des maladies entre nous et avec le bétail. Beaucoup de peuples, pendant longtemps, ont vécu comme ça, et nos ancêtres aussi. A-t-on raison de parler de peuples sans histoire, ou y a-t-il une évolution chez ces différentes peuplades, chez ce que l'on appelle des peuples premiers, donc Hervé Théry? Il y en a sûrement une, mais on a du mal à l'appréhender, puisque le matériau de base de l'historien, c'est le texte, c'est l'écrit, ou à la rigueur l'archéologie, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Ils n'écrivent pas, ils ne laissent pas de monuments, donc on a du mal à savoir. Vous parliez de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss est un de ceux qui a essayé d'utiliser les mythes et les récits oraux pour essayer de comprendre leur mode de fonctionnement et éventuellement son évolution. Et alors ça, est-ce que ça donne des clés de compréhension? En partie, mais imaginez que tout ce qu'on sache de l'histoire de la France, c'est les récits qu'on se transmet les uns aux autres, avec toutes les déformations qu'on peut imaginer, les mythes fondateurs. Je sais pas si on raconte l'histoire du Père Noël ou, bon, j'ose pas dire la Bible, ce serait cruel, mais les récits oraux sont quand même un matériau plus fragile pour comprendre. Alors, je parlais des craintes, justement, de Lévi-Strauss de voir disparaître la diversité humaine. Pourtant, diversité humaine, c'est bizarre parce que, on sait que la notion de race est une invention et qu'il n'y a pas en réalité de race humaine, Hervé Théry. Non, la définition d'une race, c'est que les populations sont interfertiles, peuvent avoir des enfants ensemble, donc c'est absolument le cas. Il n'y a qu'une seule race humaine d'un point de vue biologique, mais il y a une très grande diversité culturelle et linguistique. Et cette diversité, elle est aujourd'hui en voie de régression ? Oui, puisque les petits groupes ont tendance à être absorbés par les plus gros. En Amazonie, il y a plusieurs centaines de langues différentes, dont beaucoup disparaissent, puisque certaines ne sont plus parlées que par un petit nombre de gens âgés, et donc il disparaît des langues constamment. Mais il existe encore des tribus isolées au Brésil ? Oui, rien qu'au Brésil, on pense, puisque comme elles sont isolées, on ne peut pas aller les compter, mais qu'il y en a environ 25 000 personnes. C'est-à-dire qu'ils sont repérés par avion ou par hélicoptère, on voit leur village, et la politique brésilienne, c'est de ne plus les aborder. Pourquoi ? Parce que depuis Christophe Colomb, on sait que quand un groupe venu du vieux monde, d'Europe ou d'Asie, d'Afrique, aborde des Amérindiens, on en tue la moitié, rien que par contamination. C'est-à-dire, nous sommes les descendants de gens qui ont résisté à toutes sortes de maladies, des grandes pestes, à des maladies qui pour nous sont anodines, comme la rougeole ou la coqueluche, mais qui sont mortelles pour des gens qui ne sont pas porteurs de l'immunité hérité, c'est-à-dire que les survivants que nous sommes avons hérité de la résistance de nos ancêtres et pas les Indiens. Mais alors, est-ce qu'ils auraient, eux, d'autres protections ? Est-ce qu'ils seraient en quelque sorte protégés de maladies, par exemple, qui nous tueraient ? Alors, il y a eu des controverses. On a pensé un moment que le seul mauvais cadeau que le Nouveau Monde ait fait à l'Ancien, c'était la syphilis. Mais apparemment, c'est même pas le cas. Je crois qu'ils ont vraiment... ils ne nous ont pas transmis grand-chose. Ils étaient peu nombreux au départ. C'est un petit groupe de gens qui ont franchi le détroit de Bering. Et donc, c'est un groupe très étroit. Ils n'ont été pas porteurs de beaucoup de gènes. Est-ce que parmi donc ces différentes tribus qui vivent aujourd'hui de manière complètement isolée, est-ce qu'il y a des convergences dans les modes de vie, justement ? Pas tellement. En fait, les ethnologues qui ont étudié ceux qu'on connaît disent qu'il y a des groupes linguistiques et culturels extraordinairement différents. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui parlent entre eux, comme mettons les gens dont les langues dérivent du latin, l'espagnol, et d'autres qui sont de groupes radicalement différents, comme si c'était des gens qui parlaient allemand, chinois, etc. Donc il y a plusieurs groupes, les Toupis, les Guaranis, les Jais, etc. Donc c'est extraordinairement différent. Il y a eu des migrations, vous parliez de migrations, il y a des gens qui sont venus des Caraïbes, d'autres qui viennent du Sud, enfin, il y a des brassages et des gens extraordinairement dont les langues sont différentes, les mythes sont différents, les cultures sont différentes. Mais alors, justement, c'est ça qu'on a du mal à comprendre, parce que donc Lévi-Strauss dit que le monde moderne détruit la diversité humaine. Bon, on comprend évidemment que les transports soient plus rapides, mais avant, il n'y avait pas des réunions entre ces différentes tribus, Hervé Théry ? Alors si, mais il faut se rappeler rien que l'Amazonie, c'est deux fois l'Union européenne. Pour quelques millions de personnes, bon, il y a des controverses pour savoir combien on avait avant l'arrivée des Européens, mais si vous imaginez, mettons 10 millions de personnes sur l'étendue de l'Europe, vous voyez bien, il y en a quelques-uns à Lascaux, d'autres à Totavel, d'autres, etc. C'est ce qu'on a connu. Il y avait des contacts puisque, pour diverses raisons, les gens allaient souvent des contacts avec les villages voisins. En particulier, ils allaient souvent chercher où enlever des femmes dans les villages voisins. Pour des raisons dont on a découvert après qu'elles étaient en partie pour éviter la consanguinité. Sinon, si on se marie toujours dans le même groupe, on a des dégénérescences. Donc il y avait des contacts à petite distance, mais pas à longue distance. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de rapprochements qui sont stoppés, puisque ces groupes-là, si on redoute la perte de la diversité humaine, ça n'est pas parce que ces tribus se rejoindraient, mais plutôt parce qu'elles seraient absorbées dans la vaste civilisation moderne. C'est ça, Hervé Théry ? C'est d'autant plus ça que même les isolés, alors tous les ans, il en sort quelques-uns qui disent que finalement, ils préfèrent rejoindre la civilisation malgré tous ses défauts. Et on s'aperçoit que ces Indiens isolés ont déjà des haches en acier et des bassines en plastique, parce qu'ils ont quand même accès à travers des échanges avec d'autres Indiens à des biens qui pour eux sont précieux. Imaginez abattre un arbre de 40 mètres de haut avec une hache de pierre pour y creuser un canot. Ils se sont vite aperçus qu'une hache d'acier était beaucoup plus efficace. Donc il y a quand même des échanges qui se font. Ils refusent de s'intégrer à notre culture, mais ils en connaissent quelques avantages. Pourquoi la transition se fait-elle si mal, parce que je parlais du Canada tout à l'heure, avec la question des peuples premiers, il y a beaucoup de difficultés pour faire en sorte que ces peuples premiers puissent ou bien appartenir à la société telle qu'elle, ou bien conservent leurs coutumes. Comment vous expliquez ça, Hervé Théry ? C'est vraiment une rupture totale, c'est-à-dire qu'il faut changer de langue, changer de culture, changer d'habitat, changer de toutes sortes de choses. Il y a une difficulté supplémentaire, c'est que je me suis longtemps demandé, c'est une question qui paraît bizarre, en constatant que l'humanité fait de l'alcool avec à peu près tout, de la canne à sucre, etc. Et de temps en temps, je me dis, tiens, au fond, et les Inuits, qu'on appelait avant les Esquimaux. Bon, le jour où je me suis décidé à regarder, il m'a fallu un quart d'heure sur Internet pour trouver la réponse, c'est qu'en fait, là, ils n'en faisaient pas d'alcool, et que les groupes humains ont une tolérance de l'alcool qui est proportionnelle à la durée depuis laquelle ils sont en contact avec l'alcool. Et donc, en fait, c'est les gens du Moyen-Orient qui ont plus ou moins inventé la fermentation et la distillation, donc ils ont une bonne résistance. En France, on a aussi une certaine tradition. Par contre, les Indiens d'Amérique du Nord et les Inuits n'ont découvert l'alcool qu'avec l'arrivée des Européens. Et ça fait des ravages, parce qu'ils n'ont aucune accoutumance, aucune résistance. Et donc, souvent, ils sombrent dans l'alcoolisme dès qu'ils sont mis en contact avec l'accès aux boissons fermentées. Le changement de régime alimentaire ? Aussi. Ils se mettent à manger des choses plus grasses, du junk food ou autre, et ça leur fait beaucoup de mal, puisqu'ils avaient quand même beaucoup d'activité physique, une alimentation assez frugale. Et du coup, le passage dans notre système à nous les donne de l'alcoolisme, de l'obésité, etc. Et toute une série de connaissances qui sont perdues, puisque j'imagine que c'est très compliqué. Alors, ce sont toutes des cultures sans écriture ? Dans ceux dont on parle, oui, c'est pas fréquent. Il y en a eu d'autres. Est-ce que c'est discriminant ? Est-ce que les chasseurs-cueilleurs sont tous des peuples sans écriture, Hervé Théry ? Je peux pas vous dire, mais il me semble que oui, parce qu'en fait, comme ils sont constamment nomades, Lévi-Strauss décrit bien le cas des Nambiquara, ils se déplacent régulièrement en emportant tout sur leur dos. Et donc, ça se prête pas tellement bien à transporter une bibliothèque ou même un certain nombre de choses lourdes. Et donc, ils reposent sur une culture orale. Et ces cultures orales, et donc, elles vont évidemment disparaître si celles-ci se glissent en quelque sorte dans la modernité. Comment faire ? Qu'est-ce qu'on peut suggérer ? Alors, il y a des anthropologues qui font du travail d'urgence en essayant de recueillir auprès de ces groupes leur langue, leur culture, leur tradition, ce qui est la meilleure solution. Il y a une solution qui est un peu moins bonne, ce sont les missionnaires qui vont là aussi pour les convertir, et ils font preuve d'un grand courage physique auquel on peut en tirer son chapeau, mais en même temps, ils vont pas tellement là pour respecter les cultures, mais plutôt pour les évangéliser. Mais au moins, au passage, ils fixent la langue, ils l'écrivent, dans le but unique d'écrire la Bible dans leur langue. Et donc, en Amazonie, on trouve des groupes, les Baré, par exemple, près de Manaus, qui font des services évangélique protestant dans une Bible qui a été écrite pour eux dans leur langue. Donc, au moins, on a fixé la langue. Et vous qui travaillez à Véthéry sur ces modes de vie qui sont des modes de vie assez éloignés d'une autre, qu'est-ce que vous avez appris ? Je veux dire, qu'est-ce que, au même titre que nous pourrions leur apprendre, par exemple, la hache en métal qui permet de mieux couper que la hache traditionnelle, vous, qu'est-ce que vous avez appris de ces peuples ? Alors, pour être honnête, moi je suis géographe et je travaille plutôt sur les gens qui défrichent l'Amazonie que sur les Indiens. Et au Brésil, pour aller chez les Indiens, il faut être invité. Et donc j'y suis allé 3 ou 4 fois dans des circonstances, je veux pas passer pour un spécialiste. Mais j'ai lu un peu quand même, et donc certains de ces mythes sont d'une grande beauté. Leur artisanat est souvent très intéressant. À base de plumes, à base de bois, ils font des très belles choses. Et vous savez qu'il y a une grande discussion en ce moment, savoir s'il faut rendre, si les musées doivent rendre les objets qu'ils ont obtenus en Afrique, mais il y en a aussi des très beaux objets amazoniens, et probablement aussi de Papouasie, mais que je ne connais pas. Ils ont, en ayant justement un peu de loisir, comme on le disait tout à l'heure, ils ont souvent développé des aspects artistiques de choses légères et transportables, tout à fait remarquables. Les chasseurs-cueilleurs sont tous des peuples qui ne connaissent pas l'argent ? Non, ils n'en ont pas besoin. En revanche, ils connaissent la propriété. Souvent collective. Souvent, ils ont une maison collective qu'on appelle en Amazonie une maloca, qui est une grande hutte où chaque groupe familial a un foyer. Mais les relations de parenté sont beaucoup plus diverses que chez nous. C'est ce que Lévi-Strauss étudiait principalement. Et donc, il y a aussi des formes de vie sociale tout à fait originales qui vont se perdre avec eux. Y a-t-il néanmoins des invariants culturels ? Alors c'est un grand débat chez les anthropologues. Donc on a beaucoup parlé de la diversité culturelle qui était en voie donc d'extinction. Est-ce qu'il y a au contraire des choses qui reviennent ? Alors vous avez parlé du tabou de l'inceste. On dit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont communes à l'espèce humaine, comme par exemple le fait que les rapports sexuels soient effectués en privé, ce genre de choses. Est-ce que c'est véritablement vrai sur ces invariants, Hervé Théry ? Sur ces deux cas-là, non, puisque les rapports, enfin les groupes, dans les groupes que je connais, sur lesquels j'ai lu en Amazonie, les couples s'écartent un peu pour l'acte sexuel, mais c'est pas non plus tabou. L'inceste, je pense que oui, et en tout cas, je pense que la sagesse d'éviter les rapports consanguins qui amènent à dégénérescence, on finit par l'être pour des raisons physiologiques évidentes. Je pense que les résultats apparaissent assez rapidement. On a quelques exemples dans notre culture de grandes familles aristocratiques qui ont fini par dégénérer à cause de ça. Les Indiens, de ce point de vue-là, en savaient plus que nous. En fait, je suis pas sûr qu'il y ait des invariants, mais il y a des structures. Si Claude Lévi-Strauss est le père du structuralisme, c'est justement qu'il est allé chercher chez ces Indiens, les Nambiquara, les Bororo et d'autres, justement des recherches de choses qui soient fondamentales et différentes. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme structure, justement ? Les structures de l'habitat, la façon dont ils organisent leur village, la façon dont les relations de parenté et de voisinage sont organisées. Un certain nombre de structures qui apparaissent dans les objets. Enfin, ça, c'est Lévi-Strauss et les autres anthropologues qui ont le plus travaillé là-dessus. Merci beaucoup, Hervé Théry. On peut lire votre ouvrage « Le Brésil, pays émergé », publié chez Armand Collin. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Amin El-Mansari à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.